C'est le moment du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centre-Art, www.centre-art.qc.ca, Québec Pop avec le québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK sur Facebook. Vous pouvez lire mes commentaires de disque. Cette semaine, Phil Atanas. Eh bien, voici un autre album intéressant, un album éponyme venant de l'Acadie. Il nous est proposé par l'auteur, compositeur, interprète Phil Atanas de la région de la Baie-des-Chaleurs dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ce disque est en deux parties distinctes, mais égales au niveau de la qualité. Phil Atanas débute son album avec une bombe country, Chained Way, qui est une belle invitation au party, et ensuite par une autre du même style, Quand je bois. Donc, premier moment de tendresse nous vient avec la chanson qu'on va entendre dans quelques instants, Tempête d'été, tempête d'hiver, un des beaux textes de l'album sur une mélodie assez country. Il y a aussi un beau country folk fort intéressant, Faut que je vais jouer, qui est un de mes coups de cœur sur cet album-là. Donc, un album assez intéressant qui est sorti, je pense, à l'automne dernier, mais quand même très intéressant. Je vous donne une adresse, philatanas.bandcamp.com. Atanas, c'est bien sûr A-T-H-A-N-A-S-E. Donc, et puis, vous pouvez aller voir aussi Distribution Plage, www.plage avec un S.net pour vous procurer une copie de cet album-là. On va y aller avec une première pièce que j'aime bien, Tempête d'été, tempête d'hiver. Voici l'auteur, compositeur, interprète acadien, M. Phil Atanas, de la région de la Baie-des-Chaleurs. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Envoie-moi tout ce que t'as, je m'en vais te laisser faire. Tes pluies glaçantes, pis tes ventes de bise, je suis faite pour toi, quoi c'est que tu veux que je te dise? Tes tournades de haine, pis tes airs bizarres, je t'adore ma belle, je m'en vais rester fort. Prends ton soupir, mon amour, pis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds mon or, viens-t'en vers ma lumière emportée de mon fort. Sentir dans l'air tes éclairs de rage, puis ton tonnerre violent à travers des nuages. Je suis ton étoile brillante. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds mon or, viens-t'en vers ma lumière emportée de mon fort. D'hiver, essuie tes gouttes de pluie avant que ça tourne en grêle. Mais si la tempête vient, pense-y pas trop fort. Tes cristaux de glace vont fondre sur mon corps. Prends ton soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds ton or, viens t'en vers. La lumière emportée de mon fort. Prends un soupir, mon amour, puis reviens au port. J'ai une place dans mes bras pour toi ce soir. Si tu t'écartes dans les orages, puis tu perds ton or, viens t'en vers ma lumière emportée de dans la deuxième partie du disque, il y a cette chanson-là, « Mal à la vie », qui est un bon rock lourd, politisé, fort puissant. Il y a aussi une bonne toune folk qui se termine en un rock solide qu'on va entendre dans quelques instants. Ça s'appelle « Pigeon », qui est sûrement un verre d'oreille de l'album. Là, c'est vraiment très, très accrocheur comme pièce et vraiment très intéressant. L'album se termine avec une autre belle chanson folk. Et c'est pour moi le texte de l'album, vraiment. Écoutez les paroles, c'est vraiment magnifique. On va l'entendre en fin de commentaire. Petite toune d'amour qui est sûrement un bon succès radio. Là, ça, je suis garanti de ça. Je vous donne deux adresses, philatanas.bandcamp.com ou encore plage avec un s.net pour vous procurer cet album-là. Voici tout simplement une excellente chanson de M. Phil Atanas. Ça s'appelle « Pigeon » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Ça va ton guerre, c'est pour le roi servir. Saint-Pierre et Saint-Simon, prenez garde à sa maison. S'il vient un capucin, donnez-lui un coup de main. S'il vient un bandit, donnez-lui un coup de bâton. Mais do-di-do-don, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casting. Pigeon, ça va ton guerre, c'est pour le roi servir. Engaine sa grande épée et affile son couteau. Embrasse sa Joséphine, embarque sur sa jument. Part au grand galop, direction du château roi. Mais do-di-do-don, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casting. Pigeon, ça va ton guerre, c'est pour le roi servir. Le lendemain matin, fais face à l'ennemi. Long drapeau qui claque, trompette et tambourin. Grand rire de théâtre, pas d'exit côté jardin. Mais do-di-do-don, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casting. Pigeon, ça va ton guerre, c'est pour le roi servir. Larmes dans le coin de l'œil et imbibées de regrets. Trop tard pour y penser, on a sonné l'assaut. Tente faire ses prières, faire sa place, j'y pied sous terre. Do-di-do-don, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casse. Do-di-do-don, n'appelez pas sa mère. L'enfant qui trépasse, la cuillère qui casse. Ding. Le sang qui coule à grands cris, 3000 soldats par terre, poussière, saveur de chanvre. Pigeon, ça va en guerre, c'est pour le roi servir. Saint-Pierre et Saint-Simon, prenez garde à sa maison. S'il vient un capucin, donnez-lui un coup de main. S'il vient un bandit, donnez-lui un coup de bâton. Don't let me go. Bref, un album éponyme fort intéressant de l'auteur, compositeur, interprète Phil Atanas. C'est une belle carte de visite, tantôt country, tantôt folk, tantôt rock, mais toujours intéressant et un bon produit fort réussi. Des mélodies accrocheuses qui accompagnent de très, très bons textes qui nous font passer de bons moments. Découvrez l'univers de cet auteur, compositeur, interprète acadien de la région de la Baie des Chaleurs, M. Phil Atanas. Je vous donne encore une fois deux autres bonnes adresses. philatanas.bandcamp.com ou encore www.plage.net pour vous procurer cet album-là. Et on va y aller avec une dernière pièce qui est vraiment... Le texte est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le texte de l'album. C'est une chanson quand même assez entraînante, assez intéressante. Ça s'appelle tout simplement « Petite toune d'amour ». Voici l'auteur, compositeur, interprète, M. Phil Atanas. Dans tes yeux, j'ai trouvé une place ce que je peux me cacher. Dans tes yeux, y a une seconde où ce que je peux me perdre, m'éloigner du monde. Dans tes yeux, y a une sagesse embourrée de délicatesse. Prends ta bouteille et verse-toi un verre de vin. Tout ce qui dérange peut attendre jusqu'à demain. Oh baby, tombe dans mes bras. Y'a un charme où tout arrête, ce qu'il n'y a pas de vacances. Une forteresse juste pour moi. Je me repose à cause de toi. Prends ta bouteille et verse-toi un autre verre de vin. Tes soucis peuvent attendre jusqu'à demain. Oh baby, tombe dans mes bras. We'll be right back. seul dans un coin de paradis. Le sous-sol est plombe sur l'île, l'océan encercle la vie. Un labyrinthe de palmiers me mène vers notre monde rêvé. Je vois du haut d'un gratte-ciel les oiseaux comme moi déploient leurs ailes. Je t'écris en solitaire de l'autre bout de la terre. Comment ça va à Montréal? Je t'envoie cette carte postale. Oh, au chuchotement de la mer, mes yeux se sont entrouverts. Le soleil éclaire la scène, la musique des vagues m'entraîne. La nature s'offre en spectacle, pour un temps j'oublie nos obstacles. Dans une couleur bleue exquise, les flots et le ciel s'harmonisent. Je t'écris en solitaire de l'autre bout de la terre. Comment ça va à Montréal? Je t'envoie cette carte postale. Ou à l'autre bout de ma caméra. Je t'écris en solitaire de l'autre bout de la terre. Comment ça va à Montréal? Je t'envoie cette carte postale. Bloc de l'Est, Québec-Ontario, a débuté avec la charmante Annie Comtois qui, en ce moment, est en campagne de sociofinancement pour le clip de la chanson qu'on vient d'entendre, Carte postale. Si vous allez faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, vous avez le lien, vous avez toute l'information. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir ce qu'il y en est. Et si vous êtes en moyen, en mesure de l'aider, eh bien, allez-y, ça risque d'être un clip assez intéressant parce que la pièce est très intéressante également. Donc, allez faire un tour sur ma page Facebook de Canrock et vous allez voir Annie Comtois, les escales, toute l'information pour la campagne socio-financement pour carte postale, le clip. Eh bien, tous les détails sont là pour vous avoir de l'information. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec un autre petit clip que j'ai mis sur ma page Facebook. C'est une chanson comme ça. Bon, c'est un classique qui est repris par Madame Joëlle Roy. Et c'est Dimanche après-midi de Cano. C'est avec ça qu'elle termine son album Paysage intérieur. Mais pas à la guitare, pas au clavier, mais à l'accordéon. Avec la voix aussi de M. Éric Dubeau. C'est vraiment très intéressant. Donc, allez voir ce petit clip-là. Ça a été tiré du lancement qui a eu lieu à la clé ici à Penetanguishene. Et puis la voix masculine a été faite à ce moment-là avec Louis Lefebvre de la formation Haricots, bien sûr. Donc je vais vous faire entendre cette chanson-là de Joël Roy dimanche après-midi de Cano avec la voix de Éric Dubeau. Et pourquoi pas terminer la première heure avec justement Cano et une autre très belle chanson qui s'appelle tout simplement « Pluie estivale ». Ça va vous rappeler de beaux souvenirs. Mais pour l'instant, voici l'auteur-compositrice-interprète Joël Roy et Éric Dubeau avec « Dimanche après-midi ». C'est dimanche après-midi et tout s'arrête dans mon village. Ouh, si tu étais ici, je ferais cesser l'orage. La pluie qui claque sur le pavé, j'ai envie d'aller marcher. Patauger comme un enfant. Ouh, je me sens un peu fou, mais il faut bien que je passe le temps. Je me sens un peu plus vieux, un peu plus vieux, un peu plus gris. Oh oui, c'est dimanche après-midi, j'aimerais bien que tu sois ici. Ciel qui me sourit. Ouh, qui fait beau chez nous. Le ciel est ensoleillé. Ouh, je me sens un peu sous des moments de ma journée. Je me sens un peu plus vide, un peu plus vieux, un peu plus gris. Oh oui, c'est dimanche après-midi, j'aimerais bien que tu sois ici. Emporte mes cheveux au son du vent. une couleur de sable.